message, trop peur, tremblement de cœur, pas besoin de docteur. Exil intérieur, rétroprojecteur, à l'honneur. Une porte qui claque, vilain courant d'air qui fout tout par terre. Soif de désert, je suis tout dévasté. Embusqué, difficile d'avancer, la route est piégée. Pour ouvrir la frontière, faudrait séparer l'avant de l'après. On pourrait bousculer le temps, remettre au présent les mouvements du cœur, ranimer l'envie, relancer la vie dans les sens interdits. Passer au futur, bâtir l'aventure d'un monde à venir. Fusiller l'ennui, éclairer la nuit d'un soleil peut-être inédit. Après vous. Geste hésitant, la chamade au cœur, au secours le docteur. Illusion perdue, l'approche est exclue, de vous jusqu'à tu. Ne plus faire la guerre, réconcilier l'avant et l'après. Amour et passion, de cause à effet. C'est le miroir, sans se faire avoir, de nicher l'espoir. À partir de rien, recréer les liens, entre tiens et miens. On pourrait bousculer le temps, remettre au présent les mouvements du cœur. Ranimer l'envie, relancer la vie dans les sens interdits. Soleil.